tout petit. Et à la fois, c'est au milieu du groupe, quoi. Bah, c'est parti d'un truc, quoi. Ouais. Et puis, il y a tout le monde qui se trouve, quoi. C'est ça qui est fou, quoi.